بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في المسألة السادسة وثلاثين. 36e مسألة. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. Dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit: nulle contrainte en religion. Certes, la droiture a été distinguée de la déviance. Sourate al-Baqara, verset 256. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين. Donc ce verset, dans son apparent, laisse entendre que l'on peut forcer, imposer à personne de rentrer en religion. ونظيرها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Vas-tu donc toi forcer les gens à devenir croyants? Dans le même sens, qui est dans sourate Yunus, verset 99. وقوله تعالى: فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. Et que nous ne t'avons point envoyé sur eux comme gardien, mais tu n'as que à retransmettre. À la consultation Shura, verset 48. قال: وقد جاء في آية كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف. كقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. Et d'autres versets, de nombreux versets sont venus pour démontrer qu'il faut combattre les kuffar pour qu'ils rentrent en islam, et cela par le biais de l'épée, c'est-à-dire par la force. Comme dans ce parole, dans le sens où Allah est dit: vous les combattez ou alors qu'ils se soumettent. Al-Fath, verset 17, ou plutôt 16. وَقَوْلِهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Et il dit: combattez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et la fitna, dans le sens là, c'est le shirk, qu'il n'y ait plus d'association. Sourate al-Baqara, verset 193. Et également dans Sourate al-Anfal, le butin, verset 39. قال يدل لهذا تفسير الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Et ce tafsir, yani qui appelle yani le fait de combattre les gens, c'est ce qu'ils attestent et qui rentrent en islam, c'est le fameux hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, il a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah. Le hadith qui est connu. Donc là, il va répondre inshallah à cela. Qala al-jawab 'an hadha bi amrayn. Donc cela avec de deux façons. Al-awwal wa huwa al-asah. Première réponse qui est la plus véridique. أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. Donc en premier lieu, ces versets sont descendus en particulier sur les gens du livre. Et le sens, c'est que avant que ces versets ne descendent, on ne devait pas les contraindre à rentrer en islam de façon absolue. Et après la descente de ce verset, on ne peut les contraindre à rentrer en islam à partir du moment où ils versent la jizya, c'est-à-dire l'impôt légal, pour pouvoir vivre en liberté tayyib, dans les terres d'islam, en dehors de Jaziyat al-Arab, de la péninsule arabique. Donc c'est-à-dire qu'ils donnent la jizya. Ils sont libres, mais ils sont avilis dans le sens que ils sont sous le joug des musulmans. Donc ça, c'est la première réponse. ثم قال والأمر الثاني deuxième أنها منسوخة بآية القتال كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. Et d'autres disent que le premier verset, c'est-à-dire « La ikraha fi din » a été abrogé par les versets qui appellent au combat, comme la parole d'Allah dans le sens où il dit, et que si jamais les mois sacrés s'arrêtent, se complètent, alors tuez les associateurs. Surat Tawba, le deux aveux, verset 5. « Wa ma'loumun anna surat al-Baqara min awwal ma nazala bil Madina wa surat Bara min akhir ma nazala biha » والقول بالنصر مروي عن ابن مسعود وزيد بن اسلم. Donc il est connu que sourate al-Baqara, elle est descendue, طيب, dès son début, Al-Madina. Alors que Al-Bara, on appelle Tauba, elle est descendue après, bien plus tard. Donc, et ce col de Nasr, de l'abrogation, il était rapporté de Ibn Mas'ud et de Zayd ibn Aslam. Donc, ça sont les deux réponses. Une, que ce verset est propre aujourd'hui du livre, et l'autre, qu'il est abrogé. قال ولا كل حال فآية السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه الآية والمتأخر أولى من المتقدم والعلم عند الله تعالى. Il dit de toutes les façons, les versets qui appellent au combat sont dans une sourate qui est descendue après celle de sourate Al-Baqara qui dit une contrainte en religion. Donc ce qui vient en dernier est plus en droit d'être appliqué que ce qui vient en premier. Et Allah Ta'ala alam. Mais on précise, bien évidemment, que là on parle des ahkam shad'iyya. Donc ces combats et ces choses qui auraient lieu avec les kuffars, cela bien évidemment avec les conditions requises. D'accord? Avec les conditions requises pour un djihad légiféré. On ne dit pas cela dans le fait d'aller appeler les gens, aller combattre les kuffars, là n'importe comment, ou n'importe où, de n'importe quelle façon. Ce n'est pas ça le cas. Le dire ça, c'est de débattre d'un sujet. D'accord? Car ces versets sont présents dans le Coran et des gens peuvent les lire et peuvent être amenés à se poser des questions. Et là, le but n'est pas d'appeler à aller combattre les gens du livre ou à appeler les mouchilkines et leur faire prendre la jizya. C'est une chose qui, pour l'instant, n'est pas réalisable. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.